Dis-moi, négro, c'est pour papa cette chanson? Oui, pourquoi? Tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y. Papa, je t'aime, tu nous manques. Je pleure quand mon frère part, mon frère part, et douloureux quand nos proches partent. Grosse absence dans nos apparts, on appelle à ma porte, les freestyles de qualité que tu m'apportes. Mais merde, tout ça c'est fini, cousin tu me manques. Ma gorge se noue et ma voix tremble, c'est fou ce Carnot te ressemble. Tes enfants grandissent, je les vois souvent, elles me sourient. Tu saurais qu'au fond de moi je suis à genoux frère. Les meilleurs partent les premiers, vrai dicton qui casse mon cœur de pierre. Une lumière s'éteint, une étoile scintille, un SOS qui s'étend. Bloqué dans la souffrance provoquée par ton absence, orageux et le temps affaibli et le ton. On se remémore les bons moments, une minute de silence. Je laisse parler mes sentiments, laisse couler mes larmes. Toute une jeunesse touchée, famille brisée, injuste et la vie. Dati, on se retrouvera au paradis, à mes côtés quand je concerte. Je te sens règle, dis que Dieu bénisse son âme, soit elle repose en paix. Je veux voir tout le monde allumer son briquet. Quand ton absence m'envahit, moi je pleure à cœur ouvert. La tristesse d'un mois de novembre, visite au cimetière. Pour mes défunts, je donne tout à cœur ouvert. Et mes larmes sont plus fortes que ce cœur de pierre. Chaque souvenir est une plaie qui jamais se referme. La douleur est intense à la fois interne. Chacune de mes larmes provoque un torrent dans une rivière. Pour tous nos disparus, voici le récit de ma prière. Frère, pour l'éternité, une vague de larmes nous a battus. Sur la tristesse on bâtit, mon Dieu. Je n'ai qu'un mouchoir pour constater le deuil sous les yeux des petits. Les funérailles sont des lésions qu'on affronte sur le tas. 21 piges, ferme le livre, résulte son quota. Les genoux à terre, les mains levées vers le ciel. Je pleure un défunt, implore un des miens. Loin des yeux, près du cœur, c'est ce qu'on dira. T'étais artiste au grand cœur, c'est ce qu'on retiendra. Les souvenirs au fond de moi, un homme se cache pour pleurer. J'ai chialé dans mes draps. Je suis en manque de ton beau sourire, de cette voix, de cette fois où tu rentrais du pays avec ta femme. Les retrouvailles, un bon à mal dans la tête. Tu nous annonces qu'enceinte et aux têtes, tout ça me manque. Tout ça reste gravé, rédigé par mon encre. Sache que un sac d'émotions j'évente. Quand ton absence m'envahit, moi je pleure à cœur ouvert. La tristesse d'un mois de novembre, visite au cimetière. Pour mes défunts, je donne tout à cœur ouvert. Et mes larmes sont plus fortes que ce cœur de pierre. Chaque souvenir est une plaie qui jamais se referme. La douleur est intense à la fois interne. Chacune de mes larmes provoque un torrent dans une rivière. Pour tous nos disparus, voici le récit de ma prière. Troisième couplet, j'ai toujours mal dans mon cœur, dans ma tête, t'es toujours hal. Sur ma vie frérot, j'ai la gorge nouée. Faudra de la patience pour encaisser. Ceux que j'aime partent subitement, j'en ai le cœur glacé. J'ai mal au cœur, je le crie fort, j'ai pas honte, Dieu. Charles de toute ma douleur, j'ai pas honte, non. Ma sensibilité est humaine, chacun apprend à gérer ses peines. Pour ma part, je digère pas, je vis avec, je fais pleurer ma plume. Chaque seconde remémorée me consume, je revis les scènes, à chaque photo je me rappelle. La bonne époque, je ramène un poste, on télérait dans le bloc. Tout ça remonte à loin, je suis bien confus. RIP, je le dédie à toutes les personnes que j'ai perdues. Mon daron, James, Pépé, Mémé, grand-mère. La liste est longue, je vous envoie cette prière.